The following KFAI program was recorded earlier for broadcast at this time. Attention! This show may contain explicit lyrics. Attention, certaines paroles de chansons dans cette émission peuvent être inappropriées pour certains auditeurs. Bonjour, you're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2, brought to you by Bonjour Minnesota and French and Fiances Radio Show Therapy. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. Hello, this is Freddy, Le Titi Ideal, and this playlist is made by Christophe, who is originally from France in Normandy. And Christophe selected some artists who were not French or étrangers, or foreigners, but either had some success or made their whole career in France. Allez, on y va. We're going to start with a very famous person, Josephine Baker. She had a very big success with a musical, singing, dancing. She also actively contributed to the resistance during World War II. So we're going to listen to the first song, J'ai deux amours, I have two loves, my country and Paris. Then La Conga Blicotie, and then La Petite Tonkinoise. Mon pays. Yeah, yeah, yeah, blie, croti, croti, molly, y'a plaisir, si joli. Prends la conga, yeah, blie, croti, pour danser, retentir. Yeah, la conga, yeah, la conga, blie, croti. Diable est mort, lui parti, yeah, pli, coti, coti, molli, y'a plaisir, si joli. C'est ainsi, la nuit sous un ciel de feu, loin d'ici, commence ces chants joyeux. Dans les cœurs, l'amour fait sa loi vainqueur, le temps s'enfuit, nul ne dort, déjà c'est un lastre d'or. Mais bientôt, la conque devra finir, les coteaux verront le soleil venir. Puis le jour, au monde dira bonjour, on soit la danse à grand bruit, reprend toujours pour la nuit. Yeah. C'est la conga, yeah, blue conti, diable est mort, lui parti, yeah, blue conti, conti molli, y'a plaisir, si joli, la conga, blue conti. It was Josephine Baker with J'ai deux amours, then la conga blicotti, and then la petite tonkinoise.

faire semblant d'être moi, mais je ne serai pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer. Et pour te regarder. Et si tu n'existais pas, oh, oh, oh, oh. Et si tu n'existais pas, et si tu n'existais pas, oh, oh, oh, oh, oh. Et si tu n'existais pas. It was Joe Dassin with L'été indien, then Le petit pain au chocolat, and then Hélène Ségara with Et si tu n'existais pas, featuring Joe Dassin. Bonjour Minnesota on KFAI Fresh Air. Music, interviews, event calendar, and announcements for the Francophone, Francophile community, highlighting the diversity of French-speaking culture. Tuesday, 8 to 10 p.m. 90.3 FM. Check us out on facebook.com/bonjourminnesota. You're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. Now we're going to listen to Jane Manson, Avant de nous dire adieu, before we say goodbye forever. Then, Toi jamais, you never. And then, Les larmes aux yeux, Tears in our eyes. Puisque c'est fini nous deux, comme si c'était la première fois, encore une fois, toi et moi. Puisque l'amour s'en va, avant

me parle pas d'elle. D'elle? Oui, mais toi, parle pas de lui. Was Jane Manson with Avant de nous dire adieu, then the song Toi jamais, and then Les larmes aux yeux. You're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. Now we're going to listen to Mort Schumann, and Mort is short for Mortimer, but in French, if you don't say the T at the end because it's silent, it's the death. We're going to listen to three songs that were pretty famous, but the first one was a big success for him. It was Papa Tango Charlie, then Le Lac Majeur, the Lake Major, and then Sorrow, but it's the French version, and it has been used in various movies, but mostly the English version. Sur le triangle.

j'incirne l'arc majeur. Les oiseaux lyres sont en pleurs. Comme un moteur, c'est le bateau de cinq heures. J'ai tout oublié du bonheur. Neige sur le lac majeur. J'ai tout oublié du bonheur. Il neige sur le lac majeur. La nuit était brève. Trop tard, il faut nous quitter. Déjà, les lumières s'éteignent. Les amants vont devoir se séparer. Trop tard, vois le jour se lève. Trop tard, trop tard. Dans le petit matin, je pense encore qu'hier encore c'était si bien. Do you remember those happy days? I just had to look at you, and I knew that you cared. I thought I would spend those happy days loving you my whole life through. There was such happiness. C'est seulement trop tard. Trop tard. It was Mort Schumann with Papa Tango Charlie, where they talk about the Bermuda Triangle, then Le Lac Majeur, then Sorrow, the French version. You're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. Fresh Air Community Radio is KFAI, 90.3 FM HD Minneapolis, St. Paul.